L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. C'est officiel. Il n'y avait pas de traces d'ondes gravitationnelles primordiales dans les données de Bicep 2, dont l'annonce avait fait énormément de bruit en mars 2014, notamment ici. Alors, comme on le sait, les collaborations Planck et Bicep 2 étaient un peu en froid, puis se sont rapprochées pour produire une analyse conjointe de la zone du ciel étudiée par Bicep 2 et qui avait mené l'équipe américaine à clamer la découverte de traces d'ondes gravitationnelles primordiales dans le fond diffus cosmologique. Quelques mois après, de sérieux doutes avaient été émis par différents chercheurs, pointant le fait que la poussière galactique pouvait avoir été mal prise en compte par Bicep 2, cette poussière qui produit le même type de signal que les hypothétiques ondes gravitationnelles primordiales, une polarisation de mode B de la lumière du fond diffus cosmologique. Une fois rapprochés, un peu contraints et forcés par la pression médiatique, les deux équipes ont mis leurs données en commun et ont analysé ensemble la polarisation du fond diffus dans cette petite zone du ciel, avec toutes les données de Planck cette fois. Le résultat est net et sans bavure, en plus d'être officiellement rendu public. Toute la polarisation de mode B observée par Bicep 2 est produite par la poussière galactique qui se trouve dans le champ de vue et de la poussière de notre galaxie et rien d'autre. Il n'y a donc toujours pas d'onde gravitationnelle détectée et par ricochet toujours pas de preuve observationnelle de l'existence de l'inflation cosmique qui était une des conséquences de l'observation putative de ce type d'onde gravitationnelle. L'Agence spatiale européenne vient de rendre publique cette information un peu dans l'urgence, le 30 janvier, au lendemain d'une fuite due à un chercheur français et qui commençait à se répandre comme une traînée de poudre ou de poussière. Dans cette analyse conjointe, les chercheurs ont comparé les données enregistrées par le télescope Bicep 2 à la fréquence de 150 GHz avec celles enregistrées par Planck au même endroit du ciel à la fréquence de 353 GHz, fréquence à laquelle toute polarisation de la lumière ne peut venir que de la poussière. Là où Bicep 2 trouvait son plus fort signal de polarisation, attribué aux ondes gravitationnelles, est exactement là où Planck trouve son plus fort signal de polarisation venant de la poussière, démontrant sans conteste l'erreur d'interprétation initiale de Bicep 2. Le cosmologiste américain Raphael Flaugher, qui fut l'un des premiers à émettre de sérieux doutes sur les résultats annoncés par Bicep 2, se réjouit de constater que les niveaux de signal dus aux poussières ont été très sous-estimés par Bicep 2, exactement comme ce qu'il avait pressenti dans un article publié à la fin du printemps dernier. John Kovac, le responsable scientifique de l'expérience Bicep 2, se défend en disant « Quand nous avons détecté ce signal pour la première fois dans nos données, nous avons exploité les modèles de poussière galactique disponibles à ce moment-là. Elle semblait indiquer que la zone du ciel que nous avions choisi d'étudier avait une polarisation due à la poussière beaucoup plus faible que le signal détecté. » Ah, heureusement, ces résultats ne disent pas qu'il est impossible de trouver un jour des traces d'ondes gravitationnelles primordiales via la polarisation de mode B du fond diffus cosmologique. Juste que Bicep 2 ne pouvait pas conclure positivement à cause du bruit galactique d'avant-plan. Le moyen d'arriver à cette mise en évidence est d'explorer le fond diffus à de multiples longueurs d'onde, ce qui permet de séparer les composantes du signal précisément. Les chercheurs restent donc optimistes, comme toujours. À très bientôt sur Ça se passe là-haut, www.ça-se-passe-là-haut.fr. Bon ciel à toutes et à tous!